Chapitre 43e. La race des Skatchers est éteinte. Sur ces entrefaites, un messager à cheval apporta au docteur Thorne une lettre de Lady Scatcherd qui le priait instamment de se rendre à Boxall Hill. « Je crains que tout ne soit fini pour le pauvre Louis, » écrivait l'infortunée mère. « Nous avons eu des jours affreux. Venez me voir. Je n'ai pas d'autre ami que vous, et je suis presque épuisée. Le médecin de Barchester vient tous les jours. Je suppose qu'il s'y entend, mais il n'a jamais fait grand bien à son malade. Il n'a pas eu assez de fermeté pour lui retirer sa bouteille, et c'était cela, et cela seulement qu'il fallait faire. Je doute que vous le trouviez encore en vie quand vous arriverez. » Le docteur partit immédiatement, car bien qu'il risquât de rencontrer le docteur Philgrave, il ne pouvait hésiter. Lady Scatcherd, en effet, n'avait pas d'autre ami que lui, et il ne l'aurait pas abandonné dans un pareil moment. Eût-il dû braver toute une armée de Philgraves? Il prévint Mary qu'il ne reviendrait pas le même jour, et prenant avec lui une petite valise, il partit pour Boxall Hill. Au moment où il arriva devant la porte du vestibule, il vit le docteur Philgrave qui se disposait à monter en voiture. Ils ne s'étaient jamais parlé depuis le jour mémorable où ils s'étaient rencontrés comme rivaux dans ce même vestibule, mais pour le moment aucun d'eux n'était disposé à recommencer le combat. « Quelle nouvelle de votre malade, docteur Philgrave ?» dit notre ami en portant la main à son chapeau. Le docteur Philgrave ne put réprimer un instant un petit mouvement de dédain. Il releva la tête, se roidit le cou et se pinça les lèvres, mais l'homme finit par l'emporter chez lui sur le docteur. « Sir Louis n'est plus, » dit-il d'une voix grave. « Que la volonté de Dieu soit faite, » répondit le docteur Thorne. « Sa mort est un véritable soulagement, car ces derniers jours ont été terribles. Votre présence, docteur Thorne, sera une consolation pour Lady Scatcherd. » Et le docteur Philgrave, pensant que la circonstance n'exigeait pas qu'il poussât plus loin la condescendance, monta dans sa voiture. « Ces derniers jours ont été terribles. Ah, pauvre jeune homme. Docteur Philgrave, avant que vous partiez, permettez-moi de vous dire que je suis parfaitement convaincu que lorsqu'il s'est mis entre vos mains, aucun médecin ne pouvait le sauver. » Le docteur Philgrave s'inclina profondément dans sa voiture, et après cet extraordinaire échange de politesse, les deux docteurs se séparèrent pour ne plus se rencontrer, du moins dans les pages de cette histoire. Ajoutons, à propos du docteur Philgrave, qu'il croit en dignité à mesure qu'il croit en âge et qu'il est universellement considéré comme une des célébrités de la ville de Barchester. Lady Scatcherd était toute seule dans la petite salle du rez-de-chaussée où elle se tenait habituellement. Sa fidèle Anna était occupée au premier étage. Quand le docteur rentra dans la chambre sans s'être fait annoncer, il la trouva assise, le dos tourné à une armoire, les mains croisées sur ses genoux et les yeux fixés dans l'espace. Elle ne l'aperçut ni ne l'entendit, et ce ne fut qu'après qu'il l'eut légèrement touché à l'épaule qu'elle se rendit compte de sa présence. Alors elle le regarda d'un air si triste, son visage défait révélait tant de souffrance, que le docteur se sentit remué jusqu'au fond de l'âme. « Tout est fini, cher ami, » lui dit-il. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. » Elle sembla d'abord à peine le comprendre, mais le regardant toujours du même air, elle secoua tristement la tête. Elle paraissait avoir 20 ans de plus. Il s'assit auprès d'elle, et lui prenant la main. « Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, Lady Scatcherd. Le sort du pauvre enfant était prononcé. Il vaut mieux pour lui et pour vous que tout soit fini. » »« Ils sont partis tous deux maintenant, » dit-elle à voix basse. « Tous deux, ah, docteur. Être laissée seule ici-bas, toute seule. Qui peut consoler une veuve séparée à jamais de son enfant? Sir Roger n'avait été pour sa femme un mari tendre et dévoué, mais il n'en avait pas moins été le mari de son cœur. Sir Louis n'avait pas été pour elle un fils affectueux, mais il n'en avait pas moins été son enfant, son unique enfant. Et maintenant il n'était plus. Qui pourrait s'étonner que le monde ne fût qu'un désert pour elle? Le docteur savait qu'il ne pouvait la consoler, mais les paroles affectueuses allègent la douleur la plus vive, et dans cette circonstance, il sut remplir dignement la tâche d'un ami. Lady Scatcherd lui répondait à peine. Elle continua à regarder devant elle, en laissant sa main dans celle du docteur et en secouant la tête, comme si le fardeau de ses peines eût été trop lourd pour elle. Les yeux de la pauvre mère s'arrêtèrent enfin sur un objet qui était posé sur la table, et elle se leva si impétueusement que la main du docteur retomba à ses côtés avant qu'il se fût aperçu de son mouvement. La table était couverte de tout ce qui s'accumule dans une maison où règne une maladie grave, telle que de petites boîtes et des fioles de pharmacien, des tasses et des soucoupes mises à part, des bols dans lesquels quelques mets succulents avaient été préparés dans l'espoir de ranimer un appétit défaillant. Une petite casserole posée sur une assiette, un ustensile de verre d'une forme excentrique laissé par le docteur et quelques morceaux de flanelle qui avaient servi à frictionner les membres du mourant. Mais au milieu de tous ces tristes débris était une bouteille noire, contrastant d'une manière étrange avec les objets qui l'entouraient. « Là !» s'écria Lady Scatcherd en saisissant la bouteille d'un air qui eût été ridicule s'il n'eût pas été si véritablement tragique. « Voilà ce qui m'a enlevé tout ce que je possédais, mon mari et mon enfant. Voilà ce qui les a perdus, tués tous deux. Docteur, docteur, malheur à moi !» Et elle laissa tomber la bouteille, comme si elle eût été trop pesante pour sa main. C'est ce baronnage qui est en cause, continua-t-elle. Si on l'avait laissé tranquille, il serait encore ici aujourd'hui. Ainsi que l'autre, qu'avait-on besoin de le faire baronnet, un docteur? Le docteur ne pouvait rester longtemps avec Lady Scatcherd. Il était nécessaire qu'il prît la direction des affaires de la maison et qu'il donnât des ordres pour les funérailles. Il avait avant tout un triste devoir à remplir. Celui de visiter les restes mortels du baronnet. Nous épargnerons au moins ce spectacle à nos lecteurs. Le corps étant déjà presque détruit par les effets de l'alcool, on jugea nécessaire de procéder promptement aux funérailles. Le docteur donna ses ordres à cet effet, puis il renvoya son cheval à Greshamsbury en faisant savoir à Mary qu'il ne reviendrait pas de quelques jours et en la priant de lui envoyer tous les effets dont il pourrait avoir besoin pour un voyage. Cela fait, il retourna auprès de Lady Scatcherd. Il lui était naturellement impossible de ne pas penser à l'immense fortune dont il avait pour le moment l'entière responsabilité. Il résolut de partir pour Londres et d'y consulter le meilleur jurisconsulte, les 12 meilleurs, si cela était nécessaire, sur la validité des droits de Mary. Il désirait faire ses démarches avant d'en parler à sa nièce ou à aucun des membres de la famille de Greshamsbury, mais il importait de les faire promptement afin de mettre fin le plus tôt possible à toute incertitude. Il résolut donc de partir aussitôt après l'enterrement. En se décidant à ne parler à personne de la nouvelle position de Mary avant de s'en être légalement assuré lui-même, il fit cependant une exception. Il était juste, pensait-il, de faire connaître à Lady Scatcherd qu'elle était l'héritier désigné par le testament de Sir Roger, et il était d'autant plus disposé à le lui révéler qu'il était sûr que cette nouvelle ferait plaisir à l'excellente femme. Ce ne fut toutefois que la veille de son départ, lorsqu'elle parla accidentellement de la nécessité où elle serait de chercher une autre maison, qu'il fut possible au docteur de la fixer à cet égard. « Il est probable, lui dit-il, que vous pourrez continuer à vivre ici. »« Je ne le désire pas, répondit Lady Scatcherd. Je ne veux avoir d'obligation à personne. Ah, si l'argent pouvait tout arranger, ce n'est pas cela qui me manquerait. » « D'obligation à qui, Lady Scatcherd? À qui pensez-vous qu'appartiendra Boxall Hill ?»« En vérité, docteur, je ne m'en soucie guère, à moins que ce ne soit à vous. Il n'est pas si facile à mon âge de se faire de nouveaux amis. »« Ce ne sera certainement pas à moi. »« Je le regrette. Je le voudrais de tout mon cœur, mais même alors je ne voudrais pas rester ici. J'ai eu trop de chagrin. » « Il en sera comme vous voudrez, Lady Scatcherd, mais vous serez surprise d'apprendre que la propriété appartiendra, du moins je le suppose, à une personne à laquelle vous avez témoigné beaucoup d'affection. »« Et qui est cette personne, docteur? La fortune de mon pauvre lui ne passera-t-elle pas à un de ses cousins d'Amérique? Je suis sûr que je n'ai jamais rien fait pour eux, quoique j'ai beaucoup aimé la pauvre Mary Scatcherd. Mais il y a bien des années de cela, et elle est morte maintenant. » Quoi qu'il en soit, n'ayant rien par moi-même, il est juste que ses enfants soient les héritiers de mon mari et de mon fils. La fortune ne m'a pas rendue heureuse, j'espère qu'il en sera autrement pour eux. La fortune passera, je pense, à l'aîné des enfants de Mary Scatcherd, à sa fille, que vous connaissez sous le nom de Mary Thorne. Docteur! Et en poussant cette exclamation, Lady Scatcherd saisit la chaise de ses deux mains, comme si elle eût craint que le poids de sa surprise ne l'entraînât par terre. « Oui, Mary, ma Mary, pour laquelle vous avez été si bonne et qui vous aime, ma chère amie. C'est elle qui sera, je l'espère, l'héritière de Sir Roger. Et telle était l'intention de votre mari à son lit de mort, prévoyant que le pauvre Louis ne lui survivrait guère. S'il en est ainsi, seriez-vous si fâché de rester chez votre nièce? Elle n'a pas eu honte, elle, de rester chez sa tante. » Mais Lady Scatcherd prenait trop d'intérêt à tout ce qu'elle venait d'apprendre pour se préoccuper de la maison qu'elle habiterait à l'avenir. Mary Thorne, l'héritière de Boxall Hill. Mary Thorne, l'enfant de cette pauvre créature qui avait été si près de mourir de chagrin quand ils étaient tous plongés dans le malheur. Il y avait au moins là pour elle quelques consolations, quelques compensations. Il lui restait donc encore trois personnes à aimer dans ce monde, Frank Gresham, Mary et le docteur Thorne. Si Mary héritait de la fortune de Sir Roger, cette fortune passerait naturellement à Frank, car elle savait maintenant qu'il s'aimait, et s'il passait à ces jeunes gens, le docteur, son ami, n'en jouirait-il pas aussi? Si tout eût dépendu d'elle, elle aurait tout donné à Frank, et maintenant ses désirs n'en seraient pas moins accomplis. Les deux amis restèrent plus de la moitié de la nuit à conférer de tout cela, pourvu que l'opinion des hommes de loi ne fût pas contraire. Telle était pour le moment la question embarrassante. Avant de se retirer, le docteur pria Lady Scatcherd de ne rien dire à personne avant que les droits de Mary eussent été légalement reconnus. « Ce ne serait rien pour Mary de ne pas avoir cette fortune, dit-il, mais il serait désagréable de la perdre après l'avoir considérée comme sienne. » Le jour suivant, le docteur fit inhumer les restes mortels de Sir Louis dans le caveau préparé pour la famille dans l'église de la paroisse. Il déposa le fils là, où un an auparavant il avait déposé le père. Ainsi s'éteignit la race des Scatcherd et leur titre avec eux. Leur gloire n'avait pas été de longue durée. Immédiatement après les funérailles, le docteur partit pour Londres, où nous le laisserons pour le moment.